Frères et sœurs, quelle magnifique page de l'Évangile nous venons d'entendre. Encore une fois, cet Évangile, ce passage de la conversion de Zachée, eh bien, il a de quoi remuer notre cœur, parce que nous voyons dans cette histoire, nous voyons toute l'œuvre de la grâce dans les âmes. Nous sommes à Jéricho, vous savez, cette ville, un peu la ville maudite de la Terre Sainte, cette ville où il y a tant de péchés, et il y a ce collecteur d'impôts au milieu de cette ville qui est pire que tout. Alors lui, c'est le publicain par excellence, celui que personne ne peut voir parce qu'il collecte les impôts. Et les impôts, on en a trop, n'est-ce pas? Alors ça suffit, on en a marre de ce collecteur d'impôts, on le déteste. Et en plus de ça, il fait vraiment un métier qui est interdit. Donc il sait qu'il est pécheur, qu'il est réprouvé, qu'il ne peut pas avoir accès à la grâce normalement. En tout cas, c'est comme ça que les Juifs le considèrent. Eh bien, c'est tout le contraire qui se produit. Vous voyez, à travers cet homme, Zachée, qui est petit, qui n'a rien pour lui, si ce n'est de l'argent, salement gagné, c'est-à-dire rien. Eh bien, Zachée est entouré de la grâce de Dieu, préparé par la grâce de Dieu à recevoir le Christ, à accueillir le Messie. Et nous le voyons parce qu'il est dans la foule petit, et l'Évangile nous le dit clairement, il a dû le raconter, cette histoire. On imagine Zachée qui raconte à tous ceux qui veulent l'entendre après sa conversion, « Je voulais voir Jésus ». Il ne sait pas pourquoi, mais il veut le voir. Ce Jésus qui prêche la bonne nouvelle, alors que lui est un pauvre pécheur qui n'a pas le droit à la grâce, a priori, tel qu'on lui a dit. Il désire le voir. Et plus on veut l'écarter, plus il le désire. Et vous voyez là l'œuvre de la grâce, cette grâce qui nous entoure, qui nous enserre pour pouvoir rentrer dans notre âme. Et il faut croire, frères et sœurs, que nos frères et sœurs pécheurs qui sont loin de l'Église, qui sont loin du Seigneur, la grâce travaille. Ça prend du temps peut-être. Mais la grâce travaille. Et nous, notre rôle, c'est de collaborer au travail de cette grâce. C'est-à-dire les entourer nous-mêmes de notre présence, de notre prière, de notre témoignage, de la parole de Dieu que nous leur livrons. Et à travers ça, eh bien, le Seigneur Jésus s'approche d'eux. Et donc Jésus traverse Jéricho, et en traversant Jéricho, eh bien, il voit ce Zachée qui... N'en pouvant plus de vouloir voir Jésus, sachant qu'il est tout près, est allé jusqu'à se jeter en avant pour grimper sur un sycomore. Allez, tout le monde va le voir, eh bien tant pis, je veux voir Jésus. Tout le monde va peut-être se moquer de lui, tant pis, je veux voir Jésus. Vous voyez, la grâce a travaillé suffisamment. Alors Jésus, connaissant très bien Zachée, sachant très bien qu'il allait rencontrer ce jour-là Zachée, puisque Jésus est connecté, hein, vous savez, il sait tout. Alors Jésus lève les yeux au moment où Zachée est dans son arbre, au moment où il passe à côté de ce sycomore, et lui dit « Allez, descends Zachée maintenant, il faut que j'aille demeurer chez toi. Maintenant c'est le moment, tu es mûr, je vais rentrer dans ton âme. Je veux demeurer chez toi, ça veut dire je veux entrer dans ton âme et te donner vraiment la grâce sanctifiante, celle qui va te permettre d'accueillir jour après jour la sainteté de Dieu dans ta vie. » Et Zachée, tout heureux, accueille Jésus chez lui. Lui, le publicain, alors bien sûr, tout le monde se moque de lui, commence à lui, un pauvre pécheur, un misérable, qui n'a le droit à rien. Jésus vient chez lui, mais enfin. Et Zachée accueille Jésus, bien sûr, comme il se doit. Il lui fait tous les honneurs, avec une grande joie de recevoir chez lui l'auteur de la grâce. Et une fois que Jésus est entré dans son âme, eh bien, vous voyez, hein, il n'est pas seulement entré chez lui, il est entré vraiment dans son âme, puisque Zachée change littéralement de vie. Vous voyez, il est déjà converti à Jésus. Maintenant, il faut qu'il change sa vie. Et ça, c'est l'œuvre de la grâce sanctifiante. Quand le Christ est entré dans l'âme et qu'il n'est plus seulement extérieur pour nous pousser à le connaître, c'est la grâce du baptême, frères et sœurs. C'est cette grâce-là que nous recevons au baptême. La grâce de Dieu qui entre dans notre âme pour que nous soyons changés de l'intérieur. Et vous voyez, hein, il va faire le don aux pauvres de la moitié de ses biens, et puis s'il a fait du tort à quelqu'un, eh bien il va lui rendre quatre fois plus. Autant dire qu'il va perdre tout son argent, puisqu'il a certainement fait du tort à plus d'une personne, et qu'il a dû en piquer du fric. Alors il va falloir le rendre, et quatre fois plus. donc il ne lui restera plus rien. Toute sa vie est transformée. Aujourd'hui, le salut est arrivé pour ton âme, il est arrivé pour cette maison, pour toi et pour tous les tiens, parce qu'en entrant dans ton cœur, la grâce va se répandre sur toute ta famille. Eh bien, ceci, frères et sœurs, arrive tous les jours. Ça continue, cette grâce, cette histoire de la grâce qui entre dans nos cœurs, qui est toujours à l'initiative de Dieu et à laquelle nous devons collaborer en l'accueillant nous aussi, toujours plus. C'est comme ça que Dieu veut travailler le monde, en nous sanctifiant. Seigneur, sanctifie-nous pour que nous puissions nous aussi œuvrer à faire connaître ta grâce et ton amour, à te faire connaître pour que tu entres dans les âmes et que les vies soient transformées. C'est notre rôle à nous, chrétiens, et lorsque nous communions, c'est ça que Dieu veut faire. Aujourd'hui, je viens demeurer chez toi. Laisse-toi saisir par ma grâce, laisse-toi transformer par moi, parce que c'est ça que je suis venu faire dans le monde. C'est ça que l'Église nous donne à travers saint Pierre et saint Paul qui ont accueilli cette grâce comme Zachée. Et vous voyez, ils n'y sont pour rien. Saint Paul était un meurtrier, un bon juif, mais meurtrier des chrétiens. Et saint Pierre était un pauvre pécheur de Galilée qui n'y comprenait rien. Eh bien, Dieu est entré dans leur vie, les a transformés par sa grâce, et c'est de cette grâce dont nous vivons encore aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen.